Chapitre 3e. Au nom de la loi. Un suspect est bien près d'être un coupable, surtout dans une affaire où il n'y a pas d'autre coupable que lui. Le commissaire se rendit au cabinet de M. Bréard, au palais de justice de Troyes. « Monsieur le juge, dit-il, j'ai du nouveau. Tenez-vous le coupable. Peut-être. J'ai de bonnes raisons de le croire. » Et le commissaire raconta tout ce qu'il savait sur l'activité clandestine d'Henri Brémond. « Très bien, fit le juge, mais agissez discrètement. Henri Brémond a dans la ville une situation mondaine. Pas d'impair, n'est-ce pas? Ne l'amenez à mon cabinet qu'en cas de charge sérieuse. » Il ajouta même, « Un homme qui craint les responsabilités, qui préfère les laisser aux autres, faites le nécessaire vous-même. Si j'agis officiellement, c'est grave, tandis que vous, vous avez plus de liberté. » « Et vous pourrez toujours me désavouer, » fit M. Bélanger amèrement. « Mais je ne redoute rien. Je ferai mon devoir, sans imprudence. » Il se rendit chez Henri Brémond, qui habitait une élégante petite ville sur le boulevard du 14 juillet, extérieur à la ville. Tout de suite, il interrogea le jeune homme. Henri Brémond était un garçon d'allure sportive, au visage régulier et d'une élégance aisée. Il apparaissait comme ayant les meilleurs usages du monde. « Je ne connais rien de cette malheureuse histoire, » dit-il à la première allusion du policier. « Permettez, vous alliez souvent à Maigrigny ? J'y allais de temps en temps. Des témoins disent tous les jours. Oh, tous les jours, je ne crois pas. Qu'alliez-vous y faire ? Je n'ai pas à répondre, il s'agit de ma vie privée. Monsieur, tous les témoins m'ont répondu, y compris Alexis Cardi. Veuillez avoir la même complaisance. » Henri Brémond ne put dissimuler un air inquiet. J'allais à Maigrigny de temps en temps pour y voir un ami. Jacques Ternier ? Oui. C'était un homme instruit, cultivé, poète. Il avait une conversation intéressante. Ainsi, c'était pour parler poésie avec lui que vous veniez à Maigrigny. Pourquoi pas ? Vous êtes poète ? Non, je suis ingénieur. Mais je peux m'intéresser à la littérature. Soit. Vous le connaissiez depuis longtemps ? Non, je l'ai connu à Maigrigny. À ce moment, ce n'était donc pas pour lui que vous veniez dans le pays. Henri Brémond ne répondit pas à cette question. Le commissaire alors poursuivit son avantage. Le jour du crime, avez-vous vu Jacques Ternier ? Non. Alors qu'êtes-vous venu faire à Maigrigny ce jour-là ? Je n'y suis pas venu ce jour-là, je suis resté chez moi. Si, des témoins vous y ont vu, donnez-moi votre emploi du temps. Ah ça, on dirait un interrogatoire. C'en est un. Alors je vous dis ceci. Vous faites votre métier et vous croyez faire votre devoir. Vous vous trompez. Vous me soupçonnez injustement. Mais le commissaire ne l'écoutait plus. Il avait son regard fixé sur un angle de la table du studio où s'entassaient quelques dossiers. « Vous permettez ? » fit-il brusquement. Et il prit un objet posé sur ses dossiers. C'était un poignard, à la lame effilée, à la poignée plate, un poignard absolument semblable à celui qui avait été planté dans le dos de Jacques Ternier. D'où vient cette arme ? « Ce coupe-papier, je l'ai acheté. » Ou « Je ne me le rappelle plus. J'aime les bibelots, alors. » « Montrez-moi ces bibelots dont vous êtes amateur. » « Je n'ai guère que celui-ci. Il m'a plu, je l'ai acheté. » « Quand ? Je ne sais plus. » De grosses gouttes de sueur perlaient au front pâle de l'ingénieur. Ses lèvres tremblaient. Il avait perdu contenance. « Monsieur, je vous requiers et vous somme de m'accompagner au palais de justice. » Henri Brémond suivit le commissaire sans rien dire. Les deux hommes n'échangèrent pas un mot jusqu'au palais de justice. M. Bélanger poussa devant lui Henri Brémond dans le cabinet du magistrat. « Monsieur le juge, je remets entre vos mains Henri Brémond, qui m'a donné un faux alibi de sa présence à Maigrigny le jour du crime et chez qui j'ai découvert et saisi ceci. L'arme du crime. C'est-à-dire une arme toute pareille à celle du crime, qui est d'un modèle unique et introuvable. Henri Brémond n'a pas pu m'en indiquer la provenance. » « Henri Brémond, dit le juge, je vous inculpe d'assassinat. Au nom de la loi, je vous arrête. »